Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gémozo pour l'émission La parole est à vous. Voilà, alors avec des invités donc de ADEMAT pour ce soir. Bonsoir Jean. Bonsoir Michel. Et puis une invitée surprise un peu, Sandy. Voilà. Bonsoir. On va parler quand même, parce que pour ADEMAT, on est aujourd'hui dans une situation particulièrement tendue, puisque a été présenté à l'hôpital de Remiremont, mais aussi certainement à Épinal, je suppose. Jean va tout nous dire sur le sujet. Le plan de performance, qui est un véritable plan social, avec la suppression de nombreux personnels sur les deux établissements, Épinal et Remiremont, mais encore, bien sûr, avec la suppression de services. Forcément, ces suppressions de personnel, ça veut dire que les services vont aussi être déshabillés à tel point que l'hôpital de Remiremont, il risque de ne plus rester qu'une partie congrue, on pourrait dire, tout à fait, par rapport aux services actuellement. Tout à fait, oui. Ce plan de performance, avec un mot pareil, on pourrait s'attendre à ce qu'il s'agisse d'améliorer la qualité des soins, l'accessibilité aux patients. Pas du tout. C'est une mesure purement financière, digne d'une grande société du CAC 40. C'est incroyable ce qui se passe. C'est des mesures d'économie financière qui devraient porter sur 25 millions d'euros. Hein, c'est des chiffres énormes. Et donc ce plan devrait être proposé et signé au président des commissions médicales d'établissement, c'est-à-dire le docteur Chamas à Remiremont, le docteur Lalo à Épinal, et au maire de ces deux communes, monsieur Ingret et monsieur Heinrich. Il est tellement effarant et énorme ce plan-là que je n'ai aucun doute que ce plan ne sera pas signé par les intéressés, car il porterait une responsabilité absolument énorme dans ce qui pourrait se passer dans l'accessibilité aux soins, voire des fermetures complètes de services et de lits et des malades qui ne pourraient plus être suivis. Fin. Et au nom d'une meilleure qualité des soins, entre guillemets, l'ARS détruit le tissu hospitalier, l'accessibilité aux soins, et c'est quand même un bien commun public que nous avons pour soigner les gens de la moyenne montagne vosgienne, du nord de la Haute-Saône. Il se passe des choses, je pourrais décrire plus en long. On va justement aborder ce fameux plan de performance qui s'avère être un plan social au niveau des deux établissements. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait il y a quelques mois en arrière, finalement, l'ARS va manger les deux établissements, en gros. Oui. L'ARS a un gros problème, c'est-à-dire manque d'argent. C'est-à-dire que le CHU a 500 millions d'euros de déficit cumulé. Et fait 60 millions d'euros de déficit par an. Donc c'est un gouffre sans fond, mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que les hôpitaux sont tous en crise, et les dotations des hôpitaux sont diminuées de 1 milliard par an. L'assurance maladie verse 0,5% de moins tous les ans aux hôpitaux, soit 1 milliard. Hein, alors que les charges fixes augmentent. Hein. Chacun peut savoir que son électricité, son chauffage, son fioul, l'inflation fait que les charges augmentent d'au moins 1,5% par an. Donc il n'y a pas de solution. Donc on met les hôpitaux volontairement dans le rouge pour les casser, pour pouvoir mieux les restructurer. L'hôpital de Remiremont a à peu près 2 millions d'euros de déficit cumulé. On parle peut-être de 3 millions et demi à la fin 2018. Celui d'Épinal en a plus encore. Hein. On parle d'un déficit de 7 millions et demi d'euros pour les deux hôpitaux à la fin de l'année 2018. Mais on ne peut pas leur en vouloir. La règle du jeu est telle qu'on les étrangle, on les étouffe. Hein. Donc l'ARS a ce problème du déficit du CHU et le deuxième problème qui est la construction du nouvel hôpital d'Épinal. Je voudrais que tu précises exactement, parce que finalement l'ARS... C'est une ARS Grand Est. Oui. Or, on peut supposer qu'il y a d'autres CHU. Strasbourg, peut-être Reims. Oui, Champagne, Lorraine, Ardennes, Alsace. On ignore le déficit que peut avoir. Parce que tout le monde a un déficit. Oui. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a 2,3 milliards de déficit. Marseille, 1 milliard de déficit. Donc les CHU font des médecines très spécialisées, très chères, on ne peut pas leur en vouloir. C'est pas des organismes rentables, ils apportent des soins de pointe pour des maladies difficiles, rares, compliquées, et ils dépensent ce qu'il faut pour soigner les gens, c'est tout à leur honneur. Mais l'ARS, ayant ces deux problèmes, le nouvel hôpital d'Épinal et le déficit du CHU de Nancy, peut-être ceux de Strasbourg et de Reims aussi, je ne sais pas, va faire les poches des petits hôpitaux périphériques et des hôpitaux vosgiens en particulier pour se refaire une santé, quoi. C'est mathématique. Et ce contrat, je disais, a deux pans. Un premier pan, c'est 33 mesures, on pourra en détailler certaines, qui sont chiffrées avec des pertes de lits, des pertes de personnel ou des économies financières, qui sont chiffrées. Et un deuxième pan qui est un projet médical commun que les médecins devraient faire et qui devrait apporter aussi 12 millions d'économies. Et là, je proteste, le seul contrat auquel soient attachés les médecins, c'est d'apporter le juste soin à leurs patients. C'est d'être en confiance avec eux, de ne pas faire des économies sur leur dos et de ne pas supprimer des pans entiers de leur activité ou de leur service. Ils doivent rendre service aux malades, c'est leur travail. Ils n'ont pas d'autres contrats éthiquement à respecter. Donc, et c'est une feuille blanche. Donc l'ARS, avec ses 33 premières mesures, supprime... D'ailleurs, il y a une déontologie. Oui, exactement. Serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate, oui. C'est tout à fait qu'il faut respecter. Donc, on supprime déjà une partie importante des deux hôpitaux, hein, et on demande aux médecins de supprimer l'autre partie, une partie encore importante. Ce qui est totalement inacceptable, c'est aussi créer une division. C'est diviser pour mieux régner au sein de l'hôpital, parce que l'ARS et le directeur de l'hôpital vont se retrancher derrière la signature des médecins en disant... c'est pas nous, hein, c'est les médecins qui ont décidé. Hein. Et l'ARS et le directeur d'hôpital n'ont pas besoin des médecins pour supprimer avec brutalité la cardiologie. Hein. Mais là, il y a une opération de charme actuelle pour leur faire faire ce projet médical et pour qu'ils signent. Et c'est inacceptable et je pense qu'ils ne le feront pas. On peut voir un peu plus dans le détail ce projet. Oui, alors... Ce projet destructeur. Oui, ce projet destructeur. Alors, pour être... honnête et complet, il faut dire qu'il y aura une contrepartie. L'ARS promet une aide de 36 millions d'euros sur les 6 ans à venir pour les deux hôpitaux. Cette aide servirait d'une part en soutien à la trésorerie, hein, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, les hôpitaux sont dans le déficit et il faut les soutenir, mais les hôpitaux ne sont pas responsables, c'est la situation générale et le vote de l'Assemblée sur les budgets hospitaliers qui est responsable. L'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale. Je ne sais plus où j'en étais. Et pour un investissement minimum, c'est-à-dire pour remplacer le matériel qui serait défaillant. Voilà, c'est tout. Mais je pense que ce budget sera surtout employé à la construction du nouvel hôpital d'Épinal. Hein. D'accord. Et que Remiremont n'en touchera pas un seul... Pas grand-chose, en tout cas. Hein, c'est certainement extrêmement prévisible. On peut penser qu'entre l'estimation, hein, le devis des travaux, finalement, les travaux achevés, il y a toujours une plus-value assez importante. Hein. On est parti sur une base de 160 millions d'euros, mais je pense que ça pourra être largement supérieur. Et ces 36 millions d'euros, ils ne sont pas affectés à l'un ou l'autre hôpital, donc je pense que Remiremont sera dupe. Par contre, dans les mesures, dans les 33 mesures d'économie, ils n'ont pas oublié de dire ce qui revenait à Remiremont. Donc je pense que là, il y a une entourloupe déjà dans ce contrat. Qu'est-ce qui va se passer dans des services médicaux, on va supprimer énormément de lits en chirurgie, en médecine, à la maternité, en pédiatrie, en néonatologie. C'est les principaux lits qui vont être supprimés. Ça va, c'est 104 lits, si je me souviens bien. En ce qui concerne Remiremont, ce sera à peu près 150 emplois. Oui, oui. Et 150 emplois vont être supprimés à Remiremont. 150 emplois de soignants sur les deux hôpitaux et 100 emplois d'administratifs. La néonatologie va perdre et la pédiatrie vont perdre la moitié de leur effectif. Un service de médecine va perdre la moitié de sa capacité et de ses effectifs. Les cuisines vont être délocalisées sur Golbey. C'est 24 emplois qui disparaissent. La pharmacie va être externalisée, va être transférée à Épinal. Le ménage, c'est pareil, je crois que c'est 24 emplois, va être externalisé et confié à une société privée. Dans chaque service, il va y avoir des suppressions de postes. Et ce qui est relativement surprenant, et ce que j'ai appris dans ce texte, c'est que les deux hôpitaux vosgiens comptent 136 directeurs. administratif. C'est énorme. Déjà, c'est... pour faire de la pédagogie et puis démontrer qu'il faut supprimer les emplois, voilà. Certainement. Et parmi les emplois, alors ça vient, c'est une direction commune, ça vient de la fusion de la direction des deux hôpitaux. Je me suis frotté les yeux, j'ai lu plusieurs fois, mais j'ai recompté, c'est 136 directeurs. Et sur les suppressions de postes, on en supprimerait royalement 5. 5. Hein. Mais 5, c'est pas tout. Mais on va quand même supprimer 6 emplois et demi dans les hôpitaux périphériques qui sont l'hôpital de Saint-Maurice-sur-Moselle et l'hôpital du Val-de-Madon. On va supprimer 6 emplois et demi de direction. Sur les EHPAD. Oui. On va supprimer 6 emplois d'administratifs. Dans les EHPAD qui sont des gens qui sont affectés. Et pour compenser ces 6, on va transférer l'administration à la direction commune des hôpitaux de Remiremont et d'Épinal. Et pour compenser, on va réembaucher 2 directeurs. Donc le solde n'est plus de 5 suppressions, mais n'est plus que de 3 sur 136. Alors qu'on supprime plus de 150 emplois soignants sur les 2 établissements. Je pense que là, il y a matière à réflexion. Je pose beaucoup de questions. Je n'ai pas l'habitude de faire de l'hôpital bashing, mais là, je suis soufflé. Hein. Voilà. On est effectivement dans une société de plus en plus technocratique, oui. Hein, avec des cadres supérieurs, des technocrates qui font leurs lois, qui sont jamais trop brusquement faire passer leur message. C'est une caste. Et dans ces 136 emplois de direction, je ne compte pas les secrétaires de direction, les administratifs de deuxième rang. Je ne compte pas les surveillantes de service, hein, qui sont des administratifs, mais qui font l'objet d'une autre ligne d'économie. Ce sont des soignants. Oui. Qui sont parmi le personnel soignant. Alors, ce qui va se passer aussi, des surcoûts pour l'usager, augmentation des prix des repas dans les deux hôpitaux. Hein. Chose absolument surprenante, c'est paiement du parking dans les parkings des deux hôpitaux. Ça va rapporter 200 000 euros sur le dos des usagers. Oui. Sur le personnel, c'est même aberrant. Il n'aura pas de place réservée, ni quoi que ce soit, donc ils sont obligés de payer. Oui. Tout est bon. Donc il y a 33 mesures qui apportent 13 millions dits d'économie, sans aucune justification médicale. On va supprimer un emploi sur deux qui part à la retraite, on va supprimer un CDD sur deux à la fin des contrats, sans se poser la question de savoir si ces gens-là avaient un travail qui... vis-à-vis du malade était important, était très utile. Donc c'est une suppression sur 4 ans. En un instant-là, on dit à l'échelon national qu'on va aider les hôpitaux. Alors je crois quand même qu'on est en plein mensonge. Il y a un double discours. Il y a un double discours complet. Rassurer les gens. La direction, l'ARS, dit qu'elle va faire tout pour encourager les médecins à rester sur les hôpitaux vosgiens. Elle va leur redonner un sens à leur activité, etc. C'est des flatteries... énorme, si vous voulez. Mais dans les faits, c'est le contraire qui se passe. L'administration provoque le départ de 2 pneumologues. Hein, en ne voulant pas payer un pneumologue plus de 1200 euros par mois, c'est-à-dire un médecin spécialiste qui a 12 ans après le bac, qui fait de la fibroscopie, qui est très très au point, qui est un très bon spécialiste. Ben, cette pneumologue, évidemment, est partie. Emmenant son mari qui était pneumologue à Épinal, d'ailleurs. Hein. L'administration, il y avait un service de cardio qui marchait avec une cardiologue, qui travaillait bien ici, qui était cardiologue de pointe. Le directeur s'est arrangé pour faire partir le cardiologue, ou mettre sur la touche le cardiologue d'Épinal, en disant, en forçant avec des arguments que je ne veux pas connaître, la cardiologue de Remiremont, en lui disant « vous allez sur Épinal ». Donc on a déshabillé la cardiologie à Remiremont et le directeur a sauté sur ce fait en disant « pour la sécurité, je ferme la cardiologie hein. ». Oui. Alors il a dit qu'il allait chercher des cardiologues, etc. Mais il a cherché certainement très mollement pour ne pas trouver. Hein. Il n'a trouvé personne. Et puis quel cardiologue voudrait venir se mettre dans un service qui va disparaître. Un service de cardiologie qui n'est plus un service de cardiologie, mais un service de médecine à orientation cardiologique qui garde seulement 6 lits de cardiologie. C'est un enterrement de première classe. Donc on envoie des signaux extrêmement négatifs à la communauté médicale, comme en pédiatrie. La moitié du personnel de néonatologie et de pédiatrie est supprimée. Qu'est-ce que vous voulez que pensent les pédiatres? comment un pédiatre qui n'est pas à Remiremont serait tenté de venir à Remiremont. C'est sans arrêt des choses comme ça. Des internes, il manque 2 internes en gynéco-obstétrique. C'est un service qui a très bonne réputation, qui marche très bien, qui a bonne presse vis-à-vis des internes en médecine. Le chef de service trouve 2 internes qui sont tout à fait volontaires et décidés. Quelle bonne aubaine de trouver un poste formateur important, disponible. Réponse de l'administration, il n'est pas question d'embauche personne, contrat de performance. Voilà. Donc il y a un discours lénifiant qui consiste à expliquer qu'on fait tout pour améliorer la prise en charge médicale, la venue des médecins, l'installation des médecins, et par derrière on fait exactement l'inverse. C'est le comble de la mauvaise foi. Oui, on est tout le temps dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Le mensonge, la mauvaise foi. Oui. Je suis révolté. Mais une question tout de même. Par rapport aux besoins de la population, je pense qu'on est là pour en parler. Hein, quand tu parles, par exemple, de la néonatologie, oui. Aujourd'hui les services sont pleins. Oui, il y a 180 entrées de nouveau-nés à Remiremont par an. De prématurés, adaptés à Remiremont. Remiremont n'est pas un CHU, on ne garde pas les prématurés de 6 mois. Hein. Les mamans sont transférées dans des CHU quand elles accouchent à 6 mois. Mais pour de la petite prématurée, il y a quand même 180 enfants par an. C'est un besoin, c'est une nécessité. C'est-à-dire que si on diminue le nombre de lits, hein, si on diminue les services, automatiquement, oui. Les gens seront obligés d'aller ailleurs. Oui. Hein, vers Épinal. Oui. Épinal n'absorbera pas non plus la capacité. Donc, il faut aller vers le privé ou bien vers Nancy. Oui. Et si on diminue le nombre de lits, on va créer des problèmes aux urgentistes. Parce que les urgentistes, leur sport habituel, c'est de trouver des lits en aval pour les urgences qu'ils ont. Et ils passent un temps fou, des heures à téléphoner pour trouver des lits disponibles. Et ça, en supprimant des lits, on va leur compliquer encore plus la vie. Et en supprimant des lits, on fait perdre à l'hôpital sa capacité d'être un recours en cas d'épidémie. Et il y a des épidémies qui, soi-disant, on ne peut pas les prévoir. Si, tous les ans, il y a une épidémie de grippe avec un afflux de personnes âgées très malades qu'il faut pouvoir accueillir. Et puis on n'est pas à l'abri de catastrophes sanitaires, de choses comme ça. Donc l'hôpital va vivre à flux tendu. Et puis en supprimant des lits, on supprime le personnel correspondant. Parce que le lit, c'est pas ça qui coûte cher. Aujourd'hui, elle vit à combien, 80-90% de sa capacité. Oui, bien sûr. Et en supprimant le personnel, on va leur donner encore plus de boulot, ceux qui restent. Donc on va aller vers des troubles psychosociaux, du burn-out, L'absentéisme, forcément. Même les gens nous le disent, hein, je vais être un petit peu vulgaire, mais certaines personnes nous disent, je suis désolé, mais maintenant on fait de la merde. C'est extrêmement... ils ont une idée très péjorative de la manière dont ils travaillent, et on supprime encore des postes. Il y avait une plaisanterie qui consistait, quand on voit une infirmière marcher, lui dire « ça va pas, tu ne cours plus ». Enfin, c'était... Les infirmières courent, le personnel soignant est surbooké. Hein. Et puis, dernière chose, en supprimant des lits... L'organisme humain a quand même des limites dans sa résistance. Voilà. Et en supprimant des lits, on va mettre les gens dehors très vite. Alors, c'est vrai qu'il y a l'hospitalisation en ambulatoire, mais il y a une tentative de mettre en ambulatoire des interventions de plus lourdes. On va mettre des prothèses de hanche en ambulatoire, des choses comme ça. Bon. Oui, avec des personnes âgées qui vont entrer le matin, qui auront leurs prothèses, qui sortiront le soir. Moi, je pense que ce n'est pas rendre service aux gens. Les gens ont besoin des fois de se poser un petit peu et d'être éduqués un petit peu quelques jours avant de rentrer chez eux. Et puis même la visite d'infirmière... De soignant au domicile ne peut pas quand même apporter le confort, surtout si c'est une personne qui n'a pas de famille ou si c'est un groupe de personnes âgées. Et la surveillance du chirurgien. Le chirurgien se doit de surveiller ses suites opératoires, savoir comment ça va, si le malade se remet, si le résultat escompté est attendu, si tout se passe bien. Quoi. Là, c'est dehors tout de suite et au revoir, il n'y a plus personne, circuler. J'ai vu des personnes jeunes. Hein. Oui. C'est le cas de ma fille qui est sortie rapidement de l'hôpital pour une opération de l'épaule. C'était très douloureuse parce qu'en plus, elle avait des complications intestinales qui ne lui permettent pas de prendre certains médicaments. Et puis, on laisse les gens dans la nature complètement. Hein. Il n'y a que des soins à domicile, c'est tout. Il n'y a pas d'accompagnement social, rien du tout. Hein, voilà, oui, c'est l'hôpital plateau technique est circulé. Voilà, oui, c'est tout. Quoi. C'est plutôt technique. L'hôpital... Uniquement, c'est plus des... C'est plus des on ne va pas à l'hôpital pour se faire soigner, on va à l'hôpital pour se faire opérer et puis être envoyé à domicile voilà, tout de suite. Oui. L'hôpital a perdu sa fonction d'hospitalité. Historiquement, les hôpitaux, c'était les hospices de Beaune, les hospices, de, etc. On y accueillait l'indigent, le, aussi l'infirme, on y accueillait... c'était d'abord l'hospitalité. Et quand on voit la duplicité, aujourd'hui, on dit qu'on va faire quelque chose pour les EHPAD, alors qu'aujourd'hui, le personnel des EHPAD est insuffisant. Oui. Hein, et donc, il faut quand même rappeler que le directeur de l'hôpital de Remiremont et aussi le directeur de l'hôpital d'Épinal, mais il est aussi directeur de deux établissements sur la vallée de la Haute-Moselle, c'est-à-dire Bussin-le-Tillot. Oui, oui, oui. Hein, et là, on va quoi, aussi supprimer du personnel, si j'ai bien compris. Bah, écoutez, on va supprimer 6 postes et demi sur l'hôpital de Saint-Mauricio-Moselle, je crois. Que ce soit administratif, et du, soit maintenant. Et du Val-de-Madon. Et du Val-de-Madon. Il y a 6 postes et demi qui disparaissent aussi. L'ARS est aux abois et cherche partout à supprimer des postes. C'est inquiétant. Et c'est bien sûr la désertification du territoire qui est en route à toute vitesse. Hein, parce que qui voudra s'installer dans un pays où véritablement il n'y a même plus d'établissements hospitaliers dignes de ce nom, prêts à les accueillir 24 heures sur 24. Oui. Hein, je crois que là, ça va peser énormément, y compris sur l'implantation d'entreprises sur l'économie locale, forcément, indirectement. De familles qui pourraient s'implanter localement, de jeunes couples. Des cadres aujourd'hui développer par exemple une entreprise dans la Haute-Vallée de la Moselle ou de la Moselotte avec des conditions qu'il y a aujourd'hui, tout ferme, tous les services publics ferment, etc. Et on s'interroge, je m'interroge même en vieillissant, est-ce qu'il faut-il rester dans une région qui devient déshéritée sur le plan médical, parce que ses proches et soi-même, on peut avoir besoin un jour de services médicaux, d'urgence. Faites un accident vasculaire cérébral à la Bresse. Puis même pour le tourisme. Hein. À Bussan, c'est pas gagné. Hein. Il faut faire une thrombolyse, par exemple, dans les 4h30 qui suivent, pour déboucher médicalement, avec des médicaments qui dissolvent les caillots. Je pense qu'en éloignant largement les sites de prise en charge, on fait perdre... De la chance. Énormément de chance. À l'économie locale, à la fiabilité de chance aux patients. La fiabilité de l'économie locale. Oui, oui, oui. Je pense On déshérite une région complète. C'est... Y compris au point de vue touristique, parce que des touristes qui vont venir dans les Vosges et puis qui vont tomber malades, ou bien qui vont, je sais pas, un peu très bien se casser un membre lors d'une séance de ski, et puis qui vont être obligés d'être évacués, on ne sait pas trop, à Colmar ou à Strasbourg ou à Nancy. Mmh. Déjà que les services du SMUR, les services du SAMU, sont déjà insuffisants, on peut le dire, parce qu'on a eu aussi des témoignages dans ce sens, avec des problèmes surtout l'été, sur le tourisme d'été, où véritablement l'évacuation des blessés n'était pas du tout ce qu'elle aurait dû être. Alors à propos d'urgence, le service de Remiremont qui fonctionnait avec 3 urgentistes la journée et 2 urgentistes la nuit, va devoir fonctionner avec 2 le jour et 1 de nuit. On supprime des lignes de continuité de soins, donc, alors qu'il y a des fois des attentes très longues. On voit des patients âgés sur des brancards dans les couloirs qui attendent plusieurs heures. On a eu 12 heures. Personnes ont attendu 12 heures avant. On va aggraver ça. 14 heures à Épinal. Aggraver ça. On va aggraver ça. On a eu des témoignages dans ce sens. Et ce n'est pas parce que c'est faute de travail médical. Ces gens-là sont surbookés. Ils travaillent intensivement. Ils ne peuvent pas être partout. Ils prennent les urgences par ordre de gravité. On en avait déjà parlé l'autre fois. Ils ont du mal de faire face, mais on va supprimer une ligne complète d'urgentisme de jour et de nuit. Voilà. On dit dans ce texte que pour compenser éventuellement, on fera appel aux médecins de garde du service de médecine et aux médecins anesthésistes. Ce sont des mesures de bricolage, parce que l'anesthésiste qui aura travaillé la nuit, on ne va pas pouvoir lui demander d'endormir au bloc opératoire le lendemain, donc on va réduire l'activité par ailleurs. C'est des mesures... C'est absolument odieux, c'est d'autant plus odieux d'écrire ça, qu'aujourd'hui, eh bien, les... Les médecins généralistes de garde, ben, ils sont de plus en plus rares. Enfin, oui, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile de les contacter. Oui, et oui. La plupart du temps, ben, y a aussi des attentes, etc. Puis les gens se rendent aux urgences le week-end. Pourquoi ? Parce que justement, puis même en semaine, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. C'est un service très important, les urgences, parce que c'est, même si l'urgence n'est pas toujours vitale, mais elle est ressentie comme telle, ça permet de rassurer la population et de prendre en charge toutes les pathologies qui sont inquiétantes. Hein. Un enfant qui chauffe la nuit ou très fort, où on ne trouve pas de médecin, c'est quand même important de venir ici, de voir un pédiatre en urgence qui va rassurer, qui va dire « Ah ben non, c'est grave, on va le garder, on va le soigner. » Mais il peut faire les deux. Mais c'est une prise en charge qui est psychologiquement importante autant que médicalement. Socialement parlant. Ouais. Là aussi, on retrouve quand même cette désertification de nos vallées qui est programmée. Et je répète, à cette vitesse. Ce n'est pas faute de travail. Si ces gens-là ne travaillaient pas, n'avaient pas de boulot, se tournaient les pouces toute la journée, on pourrait le comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont surbookés. Les délais d'attente, et on va augmenter ces délais d'attente encore. Et c'est vrai que les généralistes sont de moins en moins opérationnels en garde, ils sont de moins en moins nombreux, leur pyramide des âges est aussi un problème important, il y a beaucoup de généralistes qui vont partir en retraite, etc. Et c'est, à ce moment-là, c'est très important de conserver ces urgences pour cette fonction de... d'urgence. Voilà. On va reparler après une pause musicale. Thank you. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec Adémat, représenté ce soir par Jean Tisserand, ex-gynéco de la maternité de Remiremont, qui est bien au courant, bien sûr, bien informé du fonctionnement de l'hôpital de Remiremont, et puis en particulier de ce fameux plan de performance, hein, qui est en réalité un plan social, un véritable plan social pour les deux établissements Remiremont et Pinal. Hein, ce qui nous fait dire que de toute façon, quand les élus veulent ménager la chèvre et le chou, ben finalement l'ARS bouffe à la fois la chèvre et le chou. Hein, je crois aujourd'hui que les deux établissements sont sur la sellette pour des restrictions budgétaires extraordinaires, un véritable plan social. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose, hein, parce que bon, on a fait un interview des Gilets jaunes ici la semaine dernière. En plus de ça, j'ai discuté longuement avec des Gilets jaunes qui étaient bien sûr sur les barrages. Et puis bien sûr, la conversation a roulé automatiquement sur l'hôpital de Remiremont. Hein, parce que les gens disent, mais c'est absolument honteux, c'est absolument honteux. Nous, on est de votre côté, parce que c'est pas possible, quoi. On nous prend vraiment pour des imbéciles dans les Vosges, hein. Des indigènes dans leur réserve, en gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, je pense que là, véritablement, Macron a programmé, enfin l'équipe, hein, le gouvernement actuel, les technocrates qui nous gouvernent, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est des technocrates qui nous gouvernent, qu'il n'y a plus d'humanité, ni quoi que ce soit. Ces personnes-là, donc, ont véritablement programmé l'abandon des territoires, totalement. On le voit à travers ça, parce que finalement, ces deux établissements, Épinal et Remiremont, avec la diminution de capacité en lit, en personnel, ça veut dire aussi qu'ils n'arriveront plus à faire face aux besoins de la population. Hein, il faut souhaiter simplement que la population déménage ailleurs, parce que l'hôpital de Remiremont en particulier ne pourra plus faire face aux besoins fondamentaux des habitants de nos vallées. Oui, on se pose la question parce qu'il y a à peu près 100 000 habitants sur les trois vallées vosgiennes de la haute vallée de la Moselle, de la Mosdotte et de la Cleurie jusque Gérardmer, plus le nord de la Haute-Saône. Et ces gens-là, 100 000 personnes, c'est pas rien. C'est un habitat quand même qui est très dispersé, très éloigné, quand on habite sur les hauts. Avec des agglomérations quand même importantes. Là, 10 000 habitants. 10 000 habitants à Gérardmer. Vannier fait plus de 4 000. Il y a quand même des agglomérations de plus de 4 000 habitants. L'habitat vosgien est un habitat très dispersé, mais quand même nombreux finalement. Il y a des gens, et puis du nord de la Haute-Saône, il y a des gens dans le nord de la Haute-Saône qui sont complètement perdus, qui sont déjà très très loin de Remiremont, qui ont déjà du mal de se faire suivre. C'est une population qui est relativement... Plus un afflux touristique quand même très important l'été et l'hiver. Et c'est une population qui est relativement défavorisée par rapport à la moyenne du point de vue socio-économique, hein, faut le signaler. Donc une population qui a du mal de se faire suivre déjà dans les services existants actuellement. Si on supprime ces services, on les repousse à 30 km de Remiremont ou 27 km à Épinal, ce qui n'est pas bien. Donc on aura... un manque de suivi, des gens qui ne se feront plus suivre, alors qu'on sait que la mortalité prématurée de cette population est de 20% supérieure à la moyenne nationale. C'est une mortalité non liée à l'âge, on pourrait dire que c'est parce que c'est des gens plus vieux. Non, mortalité avant 65 ans, de gens relativement jeunes, entre guillemets, est de 21% supérieure à la moyenne nationale. Donc il y a des besoins de santé énormes, il y a des besoins de santé dont il faut s'occuper. Et en fermant ces hôpitaux, on envoie un signal très très négatif à la population. C'est catastrophique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va vers des catastrophes sanitaires. Je crois que l'ADEMAT parle de catastrophe sanitaire. Oui. L'ADEMAT, au départ, était pour défendre la maternité. Devant l'échec dans lequel on a mis l'ARS et la direction des hôpitaux pour fermer cette maternité, ils s'en prennent au reste de l'hôpital. Et nous, on a rajouté un H à notre ADEMAT, qui est devenu ADEMAT H, parce que nous nous battons pour protéger et maintenir l'offre de soins de cet hôpital de Remiremont, qui joue bien ce rôle, parce que c'est... Partant de là, l'offre de soins aussi de la maternité. Bien sûr, oui. C'est le premier hôpital public des Vosges en activité. En chirurgie, il y a plus d'interventions chirurgicales à Remiremont, et ces interventions sont des interventions plus lourdes. Il y a plus de 6800 interventions chirurgicales par an. Et c'est des interventions qui sont bien plus lourde en orthopédie, en chirurgie digestive qu'épinal. On a l'impression, tu as travers ça, bon, est-ce qu'une impression qu'on veut favoriser le privé ? Oui, tout à fait. Ce sera toujours ça de moins de dépenses publiques, puisqu'il n'y a plus que ça comme espoir. Pas pour la sécurité sociale, parce que ça reviendra encore plus cher que l'hôpital public. Oui. Et puis, ça coûtera plus cher aux patients aussi. Faire payer aux gens par leur mutuelle la prise en charge dans des cliniques. Qui augmente constamment. Et on aimerait bien d'ailleurs que Épinal nous laisse un petit peu tranquille à Remiremont et s'arrange avec la clinique spinalienne pour maintenir une offre de soins complète sur Épinal et laisser une offre de soins complète sur Remiremont. On a mis en échec un projet médical commun déjà, c'était le 2 mars 2017, qui prévoyait la suppression de la maternité, de la néonate, de supprimer tous les lits de chirurgie dans le cycle de la chirurgie ambulatoire. On a déjà réussi à mettre ça en échec, mais ça revient inlassablement. Ils ne perdent pas du tout, l'ARS ne perd pas du tout le fil de de ce qu'il veut faire. On a affaire effectivement à des technocrates complètement déshumanisés, qui obéissent à un plan du gouvernement. Exactement. Je pense que la santé, c'est quand même quelque chose de très important. S'il y a quelque chose qui doit rester du domaine public, c'est bien la santé. L'égalité devant la santé, l'égal accès aux soins, la prise en charge possible localement sans faire des centaines de kilomètres. Parce que quand l'offre de soins s'éloigne, on ne connaît plus les médecins, on ne connaît plus les services, on ne sait pas comment répondre. On a un problème de santé, on ne sait pas à qui s'adresser. Voilà. Surtout que je dirais que pour actuellement, le centre hospitalier de Remiremont est quand même à très bonne presse. On connaît quand même nominativement des médecins qui sont très efficients, très efficaces, qui travaillent bien. Donc si on a un problème d'orthopédie, on va voir le docteur Chamas. Il n'y a pas de question à se poser. excusez-moi. Je dirais qu'à Épinal, même pour moi, c'est une équipe d'illustres inconnus, sans vouloir être méchant. Je ne peux pas trop citer de noms, je ne les connais pas, je ne connais pas leur réputation. Si j'ai un problème de santé, je ne sais pas à qui je m'adresserai. Pourtant, je suis médecin. En retraite, mais médecin quand même. Voilà, donc la population va être un petit peu déphasée. Alors que, maintenant on va peut-être parler de la riposte, parce que Adémat a déjà mis pas mal de personnes dans la rue pour la maternité, bien sûr, et puis encore dernièrement, l'été dernier, en plein pont du 14 juillet, entre parenthèses, dans la rue. Et puis un deuxième facteur quand même qui est national, puisque premièrement, Épinal ne sont pas des cas isolés à l'échelon national, parce qu'on supprime des emplois partout, on supprime des lits partout, contrairement à ce que dit le gouvernement, puisqu'on ment aux populations, et c'est peut-être aujourd'hui justement qu'ils sont mis au pied du mur, parce qu'à force de mentir aux gens, ils sont plus crédibles, puis la plupart des partis politiques ne sont plus crédibles non plus, puisqu'ils n'ont pas combattu certaines décisions gouvernementales qui sont catastrophiques, y compris pour l'environnement. Parce que quand même, quand on va mettre des patients à des dizaines de kilomètres supplémentaires, les familles vont devoir se déplacer avec des véhicules, etc. Là encore, écologiquement parlant, c'est un non-sens. C'est un non-sens aujourd'hui de recentraliser sur des gros établissements qui eux-mêmes sont saturés. Oui, on avait calculé pour la maternité à l'époque où elle était fortement menacée. Sans compter les ordres d'hélicoptères qu'il faudra pour évacuer des... Qu'il y avait à peu près 500 000 kilomètres supplémentaires qui seraient faits par la population rien pour aller accoucher à Remiremont et si le père venait en visite 2 fois dans le séjour. C'était 500 000 kilomètres et c'était je ne sais plus combien de tonnes de CO2. C'était une pollution énorme. Mais quand on parle de ça à certains, bien sûr, qui ont des gros 4x4, qui ont d'énormes véhicules, pour eux, bon, C'est vraiment rien, quoi. Et c'était la... là encore, on retrouve chez nos technocrates locaux, on se dira pas particulièrement le directeur de l'hôpital de Remiremont ou d'autres, vraiment un mépris complet de la population. On nous parle d'une transition écologique, de nouveaux moyens de transport collectifs, etc. C'est très bien, on entend que ce discours lénifiant. Alors qu'en fait, on ferme tous les services de proximité et on va mettre tout le monde sur la route. On va mettre tout le monde sur la route. Il est question même de fermer la ligne de Saint-Dié, la ligne 7e de Saint-Dié. On a fermé 9000 km de voies de chemin de fer en France lors de la réforme de la SNCF. Et puis on nous dit maintenant, il faut trouver de nouveaux moyens de transport collectif. Au nom de la rentabilité, on a fermé ces voies de ferrées. Et puis maintenant, on nous dit, il faut utiliser les transports en commun. Enfin, il y a un double discours qui est totalement mensonger et scandaleux. Je suis révolté. Hein. Ah ouais, tout le monde. Je pense qu'ici, tout le monde est révolté. Hein. Je pense aussi que, on a vu par rapport aux Gilets jaunes le problème des médias. Hein. Certains journalistes qui se font agresser par des Gilets jaunes. Mais c'est fatal parce que finalement, l'information n'est pas neutre hein, sur les grands lobbies de l'information qui sont dirigés à peu près par 9 groupes hein, pour toute la France hein, seulement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'information aujourd'hui est affaire de lobbying, quoi, de lobby, véritablement, de grands groupes de presse et télévision. Et je trouve quand même, pour écouter un petit peu les confrères, on est une petite radio locale, mais c'est quand même des confrères, hein, que véritablement, ils font une très bonne information, on ne peut pas dire le contraire, mais très partielle. Et quand on fait une information partielle, sur tous les... Elle est forcément c'est-à-dire qu'on parle pas partisane. Tous les enjeux, elle devient partielle, forcément. Partisane et partielle. Et ça irrite pas mal de Français, quand même, en particulier dans les Gilets jaunes, qui disent, mais on se fout de notre gueule, quoi. On croirait qu'on est là uniquement pour le prix du fioul, alors qu'on s'aperçoit bien que finalement, c'est tout le territoire tous les territoires qui souffrent, quoi. Et puis moi, une personne de dire, eh ben, je fais 50 km tous les jours pour aller au travail, ben, je vois bien que c'est clair que mon budget, ben, il est mis à mal par ça. Hein. Qu'il y a une augmentation et je ne peux pas faire autrement. Et on va devoir, vu la transition écologique et les problèmes de planète, hein, d'urgence, on va devoir certainement consommer, travailler sur place et s'arranger sur place, alors qu'on essaye d'éloigner les services publics des populations. Je prends encore l'exemple de la restauration de l'hôpital de Remiremont, qui va disparaître, qui va être transféré à Golbey. Ben, tous les jours, il y aura un camion qui va être loué 18 000 euros par an. Hein, pour livrer 18 000 euros par an. Oui, bien sûr. Pour livrer les plats sur l'hôpital de Remiremont, parce que les malades et le personnel vont continuer de manger à l'hôpital. Heureusement. Et ça va coûter. Ils vont manger du congelé. Oui, mais du frais, mais qui sera reconditionné sur place, en assiette. Voilà, c'est. Et alors, on va s'arranger pour mettre un petit peu. Parce que la chaîne chaud va quand même pouvoir se faire, parce que ça fait quand même l'hiver. L'hiver, Remiremont-Golbey, ça doit représenter 30 km, 35. Oui, 35, je pense. Ah oui, parce que c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Je suppose que c'est à partir de l'emplacement de Golbey que ça démarre. Je ne connais pas le secret des filières chaudes, froides. Je suis. C'est pas trop moi. Mais on va dépenser aussi 3 450 euros de gasoil. Hein, oui. Calculé sur une. Alors, c'était bien parce que dans ce rapport, il était calculé sur une base d'1,30€ le litre. Mais je suis tout à fait preneur si on peut m'expliquer où est-ce qu'on trouve du gasoil à 1,30€ le litre. Mais tout ça pour dire on va polluer, on va fabriquer à distance. Tout le monde sur la route. Les consultations, les interventions chirurgicales, les malades vont être hospitalisés dans des centres distants. Des personnes qui allaient en cardiologie à Remiremont, qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Épinal. Oui, on leur téléphone. Proteste, hein, on leur téléphone pour leur dire votre consultation n'aura plus lieu à Remiremont, il faut que vous alliez à Épinal. C'est tout comme ça. C'est... On se moque vraiment des patients. Oui, on se moque du monde. Et surtout, on a un double discours. Un discours lénifiant qui consiste à dire transition écologique. On vous taxe pour ça. C'est pour faire la transition. Mais dans la politique, dans les faits réels... Sur les 3 milliards et quelques de recettes, on fait 200 millions pour la transition écologique. Et encore, c'est pas passé. On fait exactement l'inverse. On éloigne les centres de soins, les centres de production de la population de plus en plus. Je pense que... Et on crée des déserts. Oui. Bah oui, on crée des déserts. Des déserts, c'est pour ça quand même que les gens ne soient plus dupes aujourd'hui. Hein. Si 75% des Français ou 80% des Français sont derrière les gilets jaunes, c'est pas sans raison. Parce qu'on a beau mentir aux gens, au bout d'un certain temps, quand même, les gens s'aperçoivent qu'on leur ment. Oui. Qu'on leur ment à longueur de journée, quoi. Effrontément. Hein. Effrontément, avec un grand sourire. Bah oui. avec beaucoup de pédagogie. Ah oui. Voilà. Voilà. Indignez-vous, disait Hazel. Ah oui. Indignez-vous. Indignez-vous. Sécurité sociale. Et avant de mourir, il a écrit un petit livre. Indignez-vous. Petit opuscule. Indignez-vous. Et il parlait, il disait que l'homme... n'est pas au service de la finance, mais que la finance doit être au service de l'homme. Et je crois que malheureusement, une pensée profonde. Depuis son départ définitif, on a vu quand même les choses mal évoluer, encore d'autant plus. Hein, avec Macron puis son gouvernement, ça a quand même dérivé énormément depuis que l'un des pères de la sécurité sociale donc est mort. Hein. Voilà, alors parce qu'il nous reste peu de temps finalement, qu'est-ce que ADEMAT, avec la coordination nationale, prévoit pour... Alors je suppose que hier soir tu as présenté en long et en large au Ménil-Tio le projet justement, ce contrat de performance, c'est toi qui étais chargé en tant que vice-président de l'ADEMAT de présenter... Un petit peu, voilà, des maths, ce fameux, j'ai décortiqué. Fameux contrat de performance, ce fameux plan social dans les hôpitaux. J'ai décortiqué ce document de 76 pages, je l'ai résumé, j'en ai fait un diaporama pour l'expliquer hier soir donc à la population du secteur. Et je crois que je ne serais même pas opposé à le transmettre à ceux qui souhaiteraient le voir. Il suffirait qu'on ait leur mail, par exemple, et on pourrait le transférer. Démultiplier au maximum l'information. Voilà, démultiplier. Je pense qu'il faut s'indigner, mais il faut s'informer. Hein. C'est ce qu'ont fait les gens hier soir. Mais je pense que tout un chacun a le devoir de s'informer, de se rendre compte par soi-même de ce qu'il y a dans ces documents. Éventuellement, qu'on leur envoie notre PowerPoint qui le résume et qui l'explique. Et puis je pense qu'il faut en parler, c'est ce que je disais, il faut que les gens en parlent entre eux, il faut que les gens en parlent à leurs élus, parce que les élus suivent la population quand la population se bouge un petit peu. Et je crois qu'on est à la croisée des chemins. C'est la survie du territoire. On est à la croisée des chemins, c'est maintenant que les choses se décident, on maintient cet hôpital ou on le voit partir. Même s'il faut passer par la voie des réseaux sociaux. Hein. Oui. Bon, j'en cite pas parce qu'il y en a beaucoup. Chacun a le droit même de... Voilà. Nous donnons à chacun le droit de répercuter ces informations. Le maximum. Et puis, le 1er décembre, à l'appel de la Coordination nationale de la défense des maternités et des hôpitaux, il y a des manifestations partout en France. Et nous, on fera une manifestation sur le Champ de Mars, derrière l'hôpital de Remiremont, à 14h30. Manifestation qui partira en ville avec concert de casseroles. Venez nombreux, il faut soutenir votre hôpital, c'est maintenant. Bah oui, s'il vous plaît. Soutenir l'hôpital et le territoire. Le territoire, non mais c'est indissociable. Il faut marteler là-dessus, parce que là, on est vraiment en train de nous désertifier, en train de nous abandonner complètement notre sort. C'est un maillon essentiel de ce territoire, il y est bien ancré, il remplit son rôle, et je crois qu'il y est indispensable. Il y a même certains qui ont dit d'une manière cynique, comme ça, au moins, on va résoudre les problèmes des retraites, puisque de toute façon, on laissera les gens mourir chez eux, faute de soins. Exactement. On n'en est pas là, mais quand même, on peut se poser la question. La réduction de l'offre des soins va forcément entraîner une réduction des soins eux-mêmes, puis de la qualité des soins, parce que quand il n'y a plus qu'une infirmière au lieu de trois ou de deux... La pauvre... La mortalité qui est déjà... Il va quand même falloir qu'elle jongle le travail de deux. Nos régions sont des oubliés. On ferme bien quelques hôpitaux dans la région parisienne, mais il reste à Paris une clinique ou un hôpital tous les 500 mètres. Hein, alors que chez nous, on peut faire des distances considérables avant de trouver de la lumière et un service d'urgence. Alors, par l'intermédiaire d'ADEMAT, bien sûr, on a beaucoup d'informations, la coordination, de la coordination nationale, avec tous ces hôpitaux qui ferment des lits partout, qui ferment tout simplement les maternités. Alors, adhérez à l'ADEMAT, adhérez, venez nous aider, venez nous soutenir. Nous sommes déjà, je crois, 1700 ou 1800 membres, mais on n'est jamais assez pour ce genre de défense. Hein. Et ADEMAT fait partie de cette coordination nationale. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous ne travaillons pas seuls. Des centaines d'établissements sont menacés. Il y a un projet de loi de santé qui prévoit de transformer 311 hôpitaux français qui font de la médecine chirurgie obstétrique, MCO, des hôpitaux normaux, de les transformer en hôpitaux de proximité. Alors, le terme est très... est très lénifiant, c'est très choisi, ça fait plaisir, tout le monde est content de dire on gardera un hôpital de proximité. En fait, il ne restera dans ces hôpitaux de proximité que des soins de suite et de rééducation, des EHPAD et de la gériatrie. Il n'y aura plus de maternité, plus d'anesthésie, plus d'urgence, plus de chirurgie, plus de médecine spécialisée. Voilà, c'est des hôpitaux comme des hôpitaux. Moi, il m'intéresserait peut-être une chirurgie ambulatoire, parce que ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut répéter constamment, c'est que Remiremont a été modernisé. Oui. Il y a un bloc opératoire quand même qui est haut de gamme, qui est aux dernières normes, c'est très agréable d'y travailler. S'il est sous-utilisé, c'est vraiment une gabegie financière. Ah oui. Si on dirige des patients ailleurs, vraiment une gabegie financière par rapport à cet investissement qui a été fait du temps. Poncelet, oui, il faut lui reconnaître qu'il a fait beaucoup pour équiper cet hôpital. Mais ce bloc opératoire, d'ailleurs, même les audits successifs disent que ce bloc est bien utilisé, il n'est pas sous-utilisé. 6 salles sont quasiment tout le temps occupées. C'est très difficile, quand je travaillais, d'avoir un créneau opératoire pour opérer. Il faut s'inscrire à l'avance, et ça tourne très très bien. Avec des conditions de stérilité optimales, de flux laminaire, etc. Enfin, c'est les dernières normes. C'est les dernières normes. Et puis des instruments, dernier cri. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les chirurgiens aussi, très bien. Hein. Oui. Très bien, les chirurgiens, parce que tout le monde en parle aussi autour de nous. Voilà, c'est ce que je disais. Ils ont eu, monsieur un tel ou docteur un tel, très très bien. Oui. Donc ça, c'est hyper important. C'est des gens aussi, connus pour leur sérieux, pour leurs bons résultats. Des gens qui se forment et qui opèrent très bien. Donc tout le monde est important, ce soit de l'ASH, au médecin. Tout à fait. Et aujourd'hui, certains témoignages, j'ai encore un témoignage récemment d'une personne qui est d'origine étrangère, mais peu importe, je pense que pour un Français ça aurait été pareil, qui a attendu deux mois et demi avant de pouvoir être opéré, alors que c'était un cas assez urgent. On m'a dit, il aurait fallu que son médecin traitant tape un peu du poing sur la table, etc. Mais ça pose quand même le problème qu'aujourd'hui, on veut réduire des plateaux techniques, on veut réduire l'offre de soins, alors que même cette offre de soins aujourd'hui n'est pas suffisante pour la population locale. Oui. Elle n'est pas suffisante. C'est extrêmement grave. Elle n'est pas suffisante et la population ne connaît pas les circuits adéquats pour se frapper tout de suite à la bonne porte. Et plus on éloigne les centres de soins de la population, comme je disais tout à l'heure, moins les gens connaîtront les portes où il faut frapper quand on a un problème cardiaque, un problème digestif, un problème orthopédique. Les gens seront de plus en plus éloignés, ne connaîtront pas les bonnes... En l'occurrence, c'est un problème digestif. Deux mois et demi qu'elle a attendu, alors que c'était quand même apparemment du moins assez grave. Et c'est là qu'on met en danger la vie d'autrui, c'est là qu'on on introduit une perte de chance pour les patients avec des restructurations complètement hasardeuses à visée purement financière. L'état de santé n'entre plus en ligne de compte. Le service rendu par les services médicaux, par les médecins ou les équipes médicales ne sont pas pris en compte. Ce qui compte uniquement, c'est le nombre d'équivalents en poste qu'on pourra supprimer, les économies qu'on pourra faire. C'est désespérant pour une population de ne plus entendre parler comme simple projet, pas seulement en matière de santé, que d'économie à faire. Oui. On pourrait imaginer qu'on ferait des plans de prévention en santé, qu'on ferait des choses comme ça. Non, ça c'est complètement écarté. La seule chose qui compte et le seul leitmotiv qui revient, c'est faire des économies, moins dépenser. Voilà. Au détriment des populations de nos territoires, de nos vallées. On a pu certainement gagner un petit peu en supprimant la gabegie, mais la gabegie n'existe quasiment plus, c'est terminé. Et maintenant, les réductions se feront au détriment de l'activité de soins et des patients. Et puis du personnel. Alors moi, je voudrais poser la question quand même, le personnel, comment il réagit? Écoute, il est entre deux eaux. Je ne suis plus hospitalier, je suis retraité. Il est quand même entre deux eaux aussi, parce qu'il y a quand même le travail et la crainte. Voilà. Donc, le personnel, le personnel se sent menacé. Donc, ils aimeraient bien bouger, mais dans un sens aussi. Ils aimeraient bien parler, crier leur désespoir. Rien ne les empêche de venir à cette manifestation. Ah bah je les invite. Le 1er décembre, je les invite, pour les inviter parce qu'ils sont directement concernés. Mais ils le font, je suis persuadée. Moi, j'étais employée, même à la maternité, même si j'étais ASH, j'étais très très bien, très bien lotie. En plus, c'était une très bonne école. J'ai beaucoup appris. Et on est tous concernés. Mais est-ce qu'on va pouvoir oser? Parce qu'après, les retombées, c'est ça le problème. C'est que les gens... Est-ce que vraiment le personnel hospitalier, aujourd'hui, à Remiremont, avec le directeur qui est actuellement... En plus, qui a déjà menacé le personnel, d'ailleurs, oui. Par des écrits tout à fait intempestifs, mais il s'agissait... Et indigne, il faut le dire. Hein, d'ailleurs, on l'invite fort à venir s'expliquer autour des micros d'RGM sur son attitude. Je ne sais pas s'il osera venir, mais on lance un appel aujourd'hui pour qu'il vienne s'expliquer éventuellement avec Adémat, parce que je trouve que là, il y a beaucoup trop de mensonges, il y a beaucoup trop d'ambiguïté dans les propos, et puis surtout une menace sur le personnel, parce que dans ce plan social, puisqu'il faut l'appeler comme ça, une entreprise privée, ce serait un plan social, il y a aussi des mutations qui se préparent, quoi. Oui. Et la direction appelle le personnel au devoir de réserve, c'est-à-dire que le personnel n'a pas le droit de parler de ce qui se passe à l'hôpital. Et ça les arrange bien. Mais en fait, je suis un petit peu choqué parce que le personnel hospitalier, quand il a enlevé sa blouse, qu'il est dehors, il a le droit... La démocratie. Voilà, il n'aurait plus le droit de parler. C'est un sous-citoyen qui n'aurait plus le droit de parler. Voilà. Ça pose question quand tout même. Tout à fait. Alors que c'est leur condition de travail, c'est leur vie de tous les jours. Ils sont citoyens d'un pays démocratique et ils n'ont plus le droit de parler. Mais dans un environnement... C'est quand même très très grave, quoi. Mais je peux les comprendre. Dans un environnement où on supprime plein de postes, où on ne renouvelle pas les contrats à durée déterminée, ces gens-là sont absolument silencieux. Ils ne peuvent pas, dire un mot. Ils ont des familles, ils ont des enfants, des charges, des maisons à payer, des voitures à payer, des choses comme ça. Et je les comprends. Mais c'est pour ça que je parle. J'essaye aussi de parler un petit peu en leur nom. C'est peut-être prétentieux de ma part, mais... Non, pas du tout. C'est même bien. Je voudrais leur rendre service. On rappelle simplement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, rappeler quand même que c'est absolument fondamental que la population... Tout âge confondu, j'allais dire, toutes conditions sociales confondues, ne serait-ce que pour nos territoires, décembre. Pour l'hôpital de Remiremont, arrive au Champ de Mars, 14h30. Donc, samedi 1er décembre, voilà. Voilà. Merci. Merci Michel. Jean, merci. Merci. Samedi. Merci samedi. De rien. Bonne fin de soirée à toutes merci et à tous. Messieurs. Bonsoir à tous.